Je sais plus quoi faire, j'ai plus une thune en poche. J'ai rendez-vous avec Naomi tout premier en cas. J'suis en panique, chômeur sans emploi. Pas de place pour la vie d'un autre, pour l'être humain comme moi. Je cours après Naomi. Pas une fois, elle n'en a dit oui. Pas faute avoir tout, tout essayé pour impressionner Naomi. Naomi ne mange pas au McDo. Naomi, c'est les chics resto. J'ai fait le malheur de lui dire que je venais de gagner au loto. Ma Naomi, anti-carbonara. Non, non, pas ma Naomi. J'ai Naomi, des anti-carbonara. 5 étoiles, 4 étoiles pour ma Naomi. Naomi. Pas qu'un, j'ai dit non.